afraid to be. Truly, but ain't you know the answer? Oh no! Well, the whole world's got to dance. That's right, I'm telling you. Voici donc, elle s'appelle, pas Mélodie, mais tout simplement Mélodie Diz. Et puis juste après, ce sera Kyria. Le titre, ce sera tout simplement, pas le titre, mais ce sera Violette Kyria. J'attends impatiemment l'été pour vivre et danser. And I hate to admit Pour aujourd'hui et puis pour demain, donc mardi et mercredi. Bah donc à partir de 10h jusqu'à 19h avec Funky, juste après ça sera 19h-21h avec Christophe, Eric Choc. Pour demain sera mercredi avec Victor entre 9h jusqu'à midi avec Portugal No Festa. Puis dans l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h avec Valérie Micro Ouvert. Puis suivi de Irène entre 17h jusqu'à 18h. La vie comme elle va. Et puis après, l'émission de Violette traditionnelle entre 18h jusqu'à 19h30. Non, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Qui brille, des dentelles, une robe en soie, comme une princesse de Séville, Chimène ou Carmen Sita. C'était un bal du dimanche, on jouait à merengue. J'approchais, l'invite à la danse, c'est pas mon temps sorcelé. Dansons encore, dansons encore, sur cette aile qui nous rappelle que la vie est belle, que l'amour est fort et qu'il nous donne des ailes. Dansons encore, dansons encore sur cette terre qui nous appelle, car la vie est belle, car l'amour est fort et réveille le cœur qui dort. Comme dans la nuit sévillane, j'étais un conquistador. Pourtant j'ai déposé les armes devant la belle aux yeux d'or. Dansons encore sur cette terre qui nous rappelle que la vie est belle, que l'amour est fort et qu'il nous donne des ailes. Dansons encore sur cette terre qui nous appelle, car la vie est belle, car l'amour est fort et réveille le cœur qui dort. Pas trois de un seras-tu là à me dire qui je suis vraiment? Tant de choses qu'on ne sait pas, de nous vient la lumière. Seul l'avenir me le dira. Voici donc Jacqueline Laure. Don't you pretend that you loved me, that you loved me. All the things you said, promises you made, all those years. Don't

cherche ta voix. En silence, mes rêves incertains, paradis lointain de tes croyances. Une dernière mélodie, ma désillusion, et j'écris ces quelques mots. De ton cœur, le mien se noiera tous les ans. J'irai par tous les chemins cueillir tes souvenirs, fleurs de demain. Et j'imagine

train d'être à tes côtés et ne plus jamais t'oublier. Plusieurs années sont passées, puis nos années lycées, notre destin est lié, notre histoire ne s'est jamais appelée. Bientôt 16h50, et bien voilà, l'émission se termine. Voilà donc, on va se retrouver prochainement dans quelques minutes. Et bien, je reste avec Francky jusqu'à 19h. Et puis, juste après, on va retrouver Christophe avec l'émission jusqu'à 21h. Et puis, demain, on sera mercredi avec Victor entre 9h jusqu'à midi. Voilà donc, et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. On va terminer avec tout simplement Claude Barzotti. Et donc, bonsoir. que le ciel se teint de rouge. Au-delà de cette colline, moi j'imagine tant de choses. Je crois parfois t'apercevoir, jupe flottante en Marilyn. Puis je m'invente des couleurs, le rouge, le rose de l'églantine. Il y a des cheveux sauvages qui viennent au ruisseau s'abreuver. Sous l'olivier qui a cent ans d'âge, s'endort le chien trop fatigué. Et c'est à deux pas de chez moi que les poneys tendent les bras. C'est où l'oiseau construit son nid quand les lilas seront fleuris. C'est chez toi, c'est chez toi, tu pourras venir quand tu voudras. C'est chez toi, c'est chez toi, je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est chez toi, c'est chez toi, et surtout si ça ne suffit pas, dis-le-moi, dis-le-moi, je changerai chaque chose pour toi. J'irai là-haut sur la colline, je serai ton porte-drapeau. Je ne plierai jamais les chines, sauf pour te porter sur mon dos. Les sentiers parsemés de fleurs auront des parfums inconnus. Suivant la route du bonheur, marchant sur l'herbe l'épinue. Sous les nuages crinolines, tel un jupon de blanc marié. Au devant de ma belle colline, je t'inventerai à rêver. Il y aura des nuits d'orage au coin d'un feu de cheminée. Et puis des journées paysages qui éclairent toute la vallée. C'est chez toi, c'est chez toi, tu pourras venir quand tu voudras. C'est chez toi, c'est chez toi, je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est chez toi, c'est chez toi, et surtout si ça ne suffit pas, dis-le-moi, dis-le-moi, je changerai chaque chose pour toi. C'est chez toi, c'est chez toi, tu pourras venir quand tu voudras. C'est chez toi, c'est chez toi, je t'attendrai le temps qu'il faudra. C'est chez toi, et surtout si ça ne suffit pas, dis-le-moi, dis-le-moi, je changerai chaque chose pour toi. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans.